était un petit matelot sur les flots de la mer Indienne. C'était un petit matelot. Voguer de Brest à Frisco sur les flots de la mer Indienne. Voguer de Brest à Frisco, oh, petit matelot. Un jour le temps se fit très gros sur les flots de la mer Indienne. Un jour le temps se fit très gros, oh, petit matelot. Serre les voiles, tout le monde en haut, sur les flots de la mer Indienne. Serre les voiles, tout le monde en haut. Tombe de plus de 20 mètres de haut sur les flots de la mer Indienne. Tombe de plus de 20 mètres de haut, oh, petit matelot. On mit la chaloupe à l'eau sur les flots de la mer Indienne. On mit la chaloupe à l'eau, oh, oh, petit matelot. Pour vite le tirer des flots sur les flots de la mer Indienne. Mais on ne sauva que son chapeau sur les flots de la mer Indienne. Mais on ne sauva que son chapeau, oh, petit matelot. Sa vieille pipe et ses sabots sur les flots de la mer Indienne. Sa vieille pipe et ses sabots, oh, petit matelot. Peut-être bien que le petit matelot sur les flots de la mer Indienne. Peut-être bien que le petit matelot, oh, petit matelot. Et dans le ventre d'un cachalot sur les flots de la mer Indienne. Et dans le ventre d'un cachalot,